Bonjour. Direct samedi le 2 décembre 2023. Il est tard un peu. Il est tard un peu. J'ai failli pas en faire. Ça me tentait pas. Ça me tente aujourd'hui. Donc c'est ça. On va attendre qu'il y ait du monde. Hein? D'habitude à cette heure-là, là. Hey, bonjour, Sylvie. Bonjour, Saul. Donc, ben c'est ça, je ne vais pas en faire. Roselyne, bonjour. Stéphanie. Donc, est-ce qu'il y a des choses, hein, Gabriel Gauthier? Je pense que c'est la première fois que je vous vois. Bonjour, bienvenue. Lorraine, bonjour. Donc, Lorraine. Je pose tout le temps Lorraine. Comme s'il y avait deux au lieu de deux. Monsieur Pinard. Hey, bonjour. Donc, est-ce qu'il y a des choses, des sujets, hein? Ben, bonjour Marjorie. Marjorie, je pense que c'est la première fois que je vous vois. Bienvenue, Martin. C'est pas Saint-Martin qui avait coupé l'arbre des selfs avec sa hache. Hey, good vibes. Bonjour. Ok, jeu dans le jeu. Ancienne jeu dans le jeu. Ok. Bonjour, Danny. Donc, est-ce qu'il y a des choses? Hein? Il n'y a pas de sujet. Ça fait deux fois, sinon j'écoute en rediffusion. Ah oui, bon, ça se peut parce que j'ai une mauvaise mémoire. Bonsoir. Ok, j'aimerais mieux les directos. C'est pas la même énergie. Je suis contente d'être en votre compagnie. Bon, merci à vous. Moi, je me suis levé plus tard aujourd'hui. Hein? Beaucoup de gens en Europe, hein? Vous dites bonsoir. ISO 357, bonjour. Donc, il n'y a de pas des choses et pas. Ah, je me suis gratté. Quand j'étais en fait, supposément que c'était pas pour se gratter devant le monde. Hein? Une autre époque. Bon, j'étais inquiet. Il n'y était pas de quoi s'inquiéter. Bon midi, M. Saint-André. Votre processus de conscientisation a-t-il à voir celui qui est arrivé à BDM? Ben, après ma bombe, je serais porté à dire non. Ça n'a pas à voir d'un autre côté, c'est tout à voir. Dans le sens, peu importe, là, dire de la conscience. Moi, je pense que ça n'a pas à voir tant que ça. Là, élaborer sur ça, j'ai vu des phénomènes étant enfant. Donc, c'est pas arrivé comme d'un coup à l'âge adulte, là. Tandis que Bernard, j'ai l'impression que c'est vraiment comme une tonne de briques qui est tombée d'un coup dessus. Hein? Mais spéculer là-dessus, c'est dangereux. Hey, bonjour, Monsieur Saint-André. Il n'y a plus d'énergie de changement dans l'air. On peut parler du changement et s'adapter. Moins. Ben, le changement, je ne vois pas vraiment de changement, franchement. Ce processus apporte-t-il une certaine paix? Oui. Oui. Ben oui. Parce que juste ce que je fais là, je pourrais pas. Je pourrais pas parce que je penserais aux conséquences. Je pense pas, puis je m'en fous. Donc, selon vous, René Guénon était-il dans la vision systémique? Non. René Guénon, je le considère comme un mystique. Donc, complètement différent comme. C'est correct que. Bon. Hein? Je suis pas un fan. J'aime beaucoup le fait d'avoir dénoncé plein d'affaires, après les avoir vues de l'intérieur. Mais à part ça. En tout cas. Hey, bonjour, Madame Kuzmanovitch. Qu'est-ce qu'il y aurait un régime totalitaire comme la Chine? Non, pas comme la Chine. Le régime totalitaire, oui, mais pas comme la Chine, dans le sens que c'est pas le même type de population. Faut que ce soit plus insidieux ici. Ils peuvent pas se permettre d'être aussi honnêtes qu'en Chine. En Chine, c'est clair et net, hein? Ici, c'est plus subtil. Merci, je vois pareil. C'était par rapport à quoi? Faudrait que je regarde plus haut. Bonjour Nathalie, Roselyne, comme en France. Ouais. Ben, la France, même la France, je trouve ça différent, mais il adapte d'un pays à l'autre. Ben, c'est comme les fast-food américains. Ils changent un petit peu d'un pays à l'autre. Ils s'adaptent. C'est pareil, mais à mesure, on est déjà dans une. Ça fait un bout de temps qu'on a un gouvernement là, qui transcende les nations. La paix dynastique et la paix apportée par la conscientisation. Quel rapport, quelle différence? Je ne suis pas sûr que Guénon était tellement en paix. Il était en guerre une partie de sa vie, dans le fond. Puis il y avait des commanditaires, sinon. Il y a une femme qui l'a beaucoup aidé. Puis fini, bon, en Égypte. Mais la paix. C'est quoi la paix, dans le fond? Moi, je n'ai pas la paix dans le sens qu'il ne se passe rien, là. J'ai la paix dans le sens que je m'en fais pas. C'est tout. Mais là, trouver quel rapport. À mes yeux, un mystique est dans son âme. Donc, c'est ça. En France, on dirait qu'il se met en place une ambiance insurrectionnelle. Ben, ça fait des décennies que. On dirait qu'ils veulent programmer la population française à un état de guerre civile. Une ambiance de guerre civile. Puis ils font exprès, puis ils n'arrêtent pas de mettre de l'huile sur le feu. C'est ça des traîtres, dans le sens que c'est ça l'instabilité, puis le climat social, il est voulu comme ça. Hein? Non, les présidents de la République, c'est drôle, hein, ils font les mêmes erreurs comme s'il y avait un plan. Comme si ça venait pas d'eux, puis suivant un plan. C'est ça. Bonsoir, Didier. Redouane, bonsoir à vous. Là, j'ai de la misère à comprendre votre BSR. La paix, c'est l'homéostasie. C'est l'équilibre. L'homéostasie. Ben, je reviens sur l'ex-policier du peuple parle souvent de cela au sujet d'un régime. Ah oui. Je l'écoute pas. Vous parlez à celui qui a un tatouage de calvitie, là. Je me rappelle même pas de son nom. Désolé. Bonjour aux échangés. Ariane Nietzsche avait un lien avec le nazisme. Non, c'est le nazisme qui ont voulu avoir un lien avec lui. Hey, j'ai pas eu le temps de vous lire, Mister Guerrière. C'était comme une erreur. Non, Nietzsche a été récupéré. Il a été récupéré par les nazis. Parce que sa notion de surhomme, puis la notion de surhomme au niveau ésotérique des sociétés secrètes qu'il y a eu en Autriche et en Allemagne avant le nazisme, ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. Vraiment pas. Mais ça a été récupéré, puis on essaie d'aligner. Nietzsche, au fond, va avoir été instrumentalisé toute sa vie. Par des forces, par sa mère, par sa soeur, par tout le monde. Donc, bon, qu'est-ce que je suis tout seul à trouver que. En tout cas, je fais attention avec Nietzsche parce qu'il y en a que. Comment je pourrais dire ça? C'est plus que philosophique, c'est idéologique. Mais les Nietzschéens sont très, très. J'ai eu des débats avec des Nietzschéens. Ils tiennent. Unicorn. Alors, la révolution des consciences, comment devenir révolutionnaire de la conscience? Ben, c'est individuel, mais une révolution, c'est collectif. De pas de quoi on parle. Salut Bertold, bonjour Nise. Le Lorraine, un mystique gère sa colère en fonction de ce qu'il comprend de sa voix, les raisons de la colère de celui qui se conscientise est strictement individuel, à ce qu'il me semble. Ouais, ça va être lié à un contexte pareil. Les mystiques, il va accumuler l'énergie, la convertir. Au niveau de son âme, ça doit être animé beaucoup. Donc, je repousse ça comme pareil. La colère du mystique, il la transmet par son âme. Puis, dans le fond, ça donne. Et ça va donner une œuvre conséquente. Si on regarde la libido comme de l'énergie, je parle même pas, ça n'a même pas rapport avec la sexualité, là, l'énergie psychique qui s'accumule ou qui est transférée dans des structures. Ben, le mystique, souvent, il va engendrer une œuvre mystique où il va faire un travail. Mais cette énergie-là, il faut qu'elle vienne de quelque part. Entre autres, la colère, elle ne laissera pas aller dans le psychologique. Il retient dans son âme, puis il convertit l'énergie, puis il va être créatif, entre parenthèses, avec. C'est ça qui fait qu'il y a certains mystiques qui ont beaucoup écrit, qui ont... Leur colère, est-ce qu'elle s'exprimait réellement? Elle était convertie en mesure. C'est... Souvent, des gens, ils ont peur de... Mais dans le cas de Nietzsche, pas pareil. Nietzsche, c'est pas comme Sainte-Catherine de Sienne. Là. C'est un autre... Note profil. Bonjour tout le monde. Bonjour Jeanne. Saul. Man, j'ai peint un portrait de Nietzsche. Moustachu tout coloré. Ben oui. Ben Nietzsche, une des premières choses qui frappe les gens, je pense que c'est son apparence. Puis bon. C'est pas vraiment tant que ça, la mode dans ce temps-là, pas à ce point-là. En tout cas, on peut considérer ça un peu comme des traits. C'est une façon de s'exprimer. Hein. Donc, on en fait quelqu'un qui a besoin beaucoup de s'exprimer. Même quand il parle pas. Puis... Bon, je sais pas, j'ai commencé à Nietzsche là, aujourd'hui. Hein? Un plus un plus un, à quel moment ça devient collectif? Ça peut, ça n'a pas rapport le plus un plus un plus un, parce que c'est juste qu'il y a une addition, mais ça ne veut pas dire que ça forme un tout. Ça forme un tout, mais pas au niveau. Donc, il peut y avoir plus un plus un plus un, mais ça ne veut pas former une société. Là. Comment je pourrais dire ça? Ben, c'est ça. Plus un, à quel moment ça devient collectif? Jamais. Jamais. C'est pas le même mouvement. C'est pas les mêmes forces, en tout cas, tant que moi. Là. Pauline, bonjour. Manon. Monsieur Roy, bonjour à vous. Nihoz, je suis bien d'accord pour l'énergie libido-créative. Les religieux religieuses en sont parfois un témoignage. Ouais. Ouais. Ben, c'est des phénomènes qu'on voit de plein de façons. Monsieur Leroy, Pierre Blanchette a fait une musique avec Bernard Montréal en intro. Moi, je trouve pas ça, je me rappelle pas trop. Monsieur Correc, fait ce qu'il veut. Hein? Peux-tu nous parler des exorcismes, des cas de possession démoniaques? Sont-ils réels? On peut parler des cas de possession, ça n'a pas besoin d'être démoniaque. Pas besoin d'être démoniaque. Il y en a du monde qui ont été possédés par des, en guillemets, des morts. Ou d'autres choses. Possession, c'est tout ce qui ne vient pas de l'individu, qui est une vexteur. Donc, j'ai tout à eu des cas comme ça. Et anciennement, la religion était basée là-dessus. Même dans certains peuples antiques, quand vous étiez malade, c'était considéré c'était l'œuvre d'un démon. C'était vu comme de la possession, juste être malade. Mais c'est parce qu'il y avait une énergie de disharmonie, on peut le voir de même. Puis là, il y en a qui avaient des systèmes complexes avec ça. Donc, si vous aviez telle maladie, vous étiez possédé par tel démon, il fallait faire appel à l'autre démon. C'est des espèces de prêtres. Mais oui, que tout le monde, là. Tout le monde. C'est au niveau, quand vous n'êtes plus capable de gérer l'énergie, au point d'être obligé de faire des transferts d'énergie dans des formes qui ne viennent pas de votre conscience. Comme vous êtes en colère, puis vous donnez un coup de pied dans la porte. Maudite porte, mais il y a un transfert, là. Une énergie que vous n'avez pas gérée, ou vous l'avez gérée, oui, mais c'est pas conscient. Donc, c'est pas loin, là. C'est pas... J'ai écrit ça pour dire comme quoi il n'y a pas de retour en arrière. Il est temps de devenir plus conscient. Moi, il faudrait que j'aille relire en arrière même. J'ai une mauvaise mémoire à court terme. Il y a un type qui exorcise des gens qui filment le tout. Le démon rit, écrit, je ne sais pas quoi penser. Bon, il y a une affaire qu'on s'appelle... OK, bon, il y a du monde que s'ils vont se mettre à agir, ils vont se conformer au contexte. Ce qu'on appelle, des, entre autres, on voit ça chez les hystériques. Des personnalités, maintenant on va plus parler de personnalités histrioniques. Bon, ces gens-là, si vous les suggestionnez, qui sont possédés par un démon, puis qui y croient, ils vont se mettre à agir comme tel, mais c'est des programmes. Donc, d'une certaine façon, oui, c'est de la possession, parce que c'est pas conscient, puis ça vient pas de... C'est contextuel. Mais il reste pas des... Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont atteints psychiquement, puis que, bon... Fait que c'est ça. Puis là, en même temps, l'autre, lui, sort sa caméra, puis les exercices, pourquoi? Puis ça fait son affaire. Ça fait chaud. Hein? Dans le fond, quand les imams, les rabbins et les prêtres, ils font des exorcismes, d'habitude, ils filment pas ça pour mettre ça grand public, là, c'est pour garder des archives qu'ils peuvent consulter. Puis même, bon, c'est pas supposé devenir comme Jerry Springer, là, puis éclaire la marche. C'est pas un spectacle. En tout cas, moi, je joue pas un critique de... Dites-vous qu'il y a des mobiles, puis il y a des convergences d'intérêts. Puis qu'il y a même dans le monde des entités, ils aiment ça, ça. Ils aiment ça faire des shows, ils aiment ça avoir de l'attention, ils aiment ça travailler avec les exemples. Ah oui. Y a-t-il une différence entre possession et astralisation? Oui, parce que l'astralisation... C'est lié à un état d'influence. Tandis que la possession, des fois, la personne n'est plus du tout. Là. Plus du tout. Puis quand elle revient, elle n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé. L'astralisation, c'est pas de même. On pourrait voir ça comme un cas extrême. Un cas extrême d'astralisation. Mais les entités astrales sont pas très... Il faut qu'ils restent cachés pour être puissants. Sont surtout fortes pour l'influence sournoise. Mais des cas de possession, des fois, ça va plus loin. Là. Possédé par l'orgueil, par la gourmandise, ben oui. Oui. Ben quelqu'un de gourmand qui veut maigrir et qui ne peut pas s'empêcher de manger, c'est de la possession quelque part. Dans le sens, il y a un programme qui est plus fort que sa volonté. Ça ne vient pas de lui. Ça va même contre sa volonté. Nietzsche avait une approche du processus révolutionnaire par le changement des valeurs. Il appelait ce processus la transvaluation moi. Ben oui, mais il y a une forme de nihilisme de ce qu'on pourrait appeler les archétypes primaires. Là. Il y a une forme de négation de... C'est un peu comme pasteur révolutionnaire, Nietzsche. C'est quoi une révolution? C'est un tour sur soi. Dans le sens que c'est un évolutionnaire. Prenez Spinoza. Spinoza, il est allé dire publiquement que la loi juive n'était pas bonne. C'est de l'inconscience faire ça. Pas dans le sens qu'il y a tort. Dans le sens que les conséquences étaient évidentes. Bon. Allez dire ça à une clique de que la loi n'est pas bonne. Ça allait vous faire bastonner. Donc, non, il y a quelque chose de des idées de grandeur chez certains philosophes. C'est pas de la conscience. On ne pourra pas. Certains disent que les entités astrales se nourrissent de notre colère. Non, pas nécessairement. Pas de colère, c'est rien que... ça dépend, là, le type de colère. Non, ils peuvent se nourrir de vos joies. Ça peut se nourrir de votre enthousiasme, de votre excitation. Ça peut ça n'a pas rapport avec le négatif, là, nécessairement. Ça, c'est juste une forme polarisée que ça prend. Un aspect que ça prend. Mais ça peut se nourrir de tout ce qui est de l'énergie psychique, dans le sens que... Bon, mais... C'est pas nécessairement mauvaise odeur. Comment voulez-vous que... Parce que là, on parle d'informations d'encryptage magnétique. Ça dépend. Là. Ça dépend, c'est une image. Ouais. C'est aussi ce que j'ai dedans. Déjà, en demandant d'être décisé, tu crois au truc. Par contre, j'ai un enfant. Peut-être sont-ils suggestionnés. Ouais, c'est parce que les enfants sont bien sensibles. Donc, des fois, il y a quelque chose. Ça arrive là. Comme les crises, comment ils appellent ça, donc? Les terreurs nocturnes. Il y a quelque chose. L'enfant qui pleure qu'un monstre dans sa garde-robe ou en dessous de son lit. C'est quoi que derrière la forme? Peut y avoir quelque chose. C'est pour ça que, prenez les personnes âgées là, qui commencent à faire de la démence, ils ont des terreurs nocturnes. Comme les enfants, c'est parce qu'il y a une certaine vulnérabilité. C'est lié avec la non-intégration de la volonté, entre autres. Quand on est enfant, la volonté n'est pas intégrée. Puis quand on vieillit, qu'on retombe dans un état de perte de faculté cognitive aussi. Prenez le film. D'habitude, moi, je ne suis pas fort sur le cinéma. Des fois, il y a des choses réelles et intelligentes qui passent dans le cinéma. Le film L'Exorciste 3, que moi je trouve meilleur que les autres, ça va plus loin un petit peu. Puis dedans, à un moment donné, l'espèce d'entité va dire « ben moi j'aime bien posséder les personnes âgées parce qu'il y a un système nerveux malléable, c'est facile. » Les enfants, c'est un peu pareil. Une révolution, c'est un changement de point de vue. Ça dépend. Ça dépend. C'est la même vue, c'est juste que vous avez changé de point. Vous vous êtes déplacé dans le champ. Imaginez une évolution, c'est-à-dire un changement de vue, carrément. Vous ne changez même pas de point de vue. C'est-à-dire que tout ce qui était de l'ancienne vue est maintenant inconcevable au point où vous n'en avez même plus le souvenir. Parce que au niveau de l'involution humaine, ce qui vient après va tout le temps se construire sur les gravats, ce qui vient avant. Donc, à mes yeux, de la révolution, c'est du tournage en rond. C'est du tournage en rond. Là, ça dépend. Là, je parle au niveau comme philosophique. Mais là, on parlerait plus d'un changement de paradigme. C'est pas pareil. La révolution, c'est tout le temps lié aux forces sociales. Toujours. Prenez la Révolution française. Qu'est-ce qu'on ramène? Qu'est-ce qui est arrivé dans la Révolution française? Ben, plein de vieilles affaires du temps des Gallo-Romains qui sont revenus, entre autres. L'être humain n'est pas capable d'être... C'est un bricoleur. Donc, la Révolution... Regardez la Révolution bolivarienne en Amérique du Sud. Est-ce que c'est réellement des révolutions? Est-ce que c'est réellement ça, une révolution? Puis là, Nietzsche, est-ce que sa pensée... Oui, révolutionnaire au sens de la pensée. Mais oh, je vais en perdre, là. Je vais en perdre, je m'excuse, désolé. Moi, en plus, ça va l'air intéressant. Je vais lire, là, parce que sinon, j'en perds trop. Il y a toujours quelque chose de vrai derrière les formes. C'est-à-dire, quelque chose de réel, au sens qu'il n'y a pas de cause sans effet, il n'y a pas d'effet sans cause. Ça, je suis d'accord, mais quelque chose de réel, de vrai. Là, ça va être lié à la subjectivité de l'observateur. Je le vois de même, là. Pouvez-vous nous parler de la fonction du rire? Le rire méchant, le rire de l'absurde, le monde des humoristes. Bon. Le rire, là, c'est une congestion énergétique qui est obligée de s'écouler. Dans le sens que Ben, c'est ça. J'ai beaucoup de psychisme. C'est une façon de gérer le rire, comme le rire sardonique d'un sadique. Ben, là, c'est encore là, c'est la même fonction, mais c'est dans le négatif. Ça revient au même. Ça revient au même. Les humoristes, la mode des humoristes, trouvez que c'est une mode. Il me semble que ça fait 60 ans qu'on nous écœure avec les humoristes. Bon, on pourrait en parler. Là, j'ai peur de perdre des affaires. Puis les révolutions, changement de rêve. Moi. Imaginez que plus que de point de vue, votre faculté de voir est complètement une autre. Là, on est au-delà de la révolution. La révolution, c'est un peu juste, c'est comme si on prend une pancarte de commerce et on écrit une nouvelle administration. En tout cas, un YouTuber qui concrétisait son projet m'a dit, parfois on n'obtient pas ce que l'on veut parce que quelque chose de mieux est prévu à la place. Il est décédé d'une crise cardiaque. Moi. Mais pourtant, c'est pas fou ce qu'il dit. Bonjour Berthold, bonjour Steve. Noé, ah, j'ai pas eu le temps de lire le dernier quoi, je sais pas. Oui, et avec ce changement de point de vue, vous construisez une nouvelle réalité. En fait, vous détruisez une vieille réalité. Vous entrez un petit peu plus dans le réel. Si c'était un réel point de vue plus lucide. Les réalités sont liées aux perceptions. Des fait, celui qui assassine toute la mosquée. Père après, il demandait s'il avait eu des blessés, comme s'il était un petit garçon. Oh, vous parlez ce qu'il y a eu à Québec, là. Ouais, mais il y a des affaires pas claires là-dedans. Moi, je pense qu'on peut programmer quelqu'un par les réseaux sociaux, puis qu'il y a des techniques pour ça. Je pense que il était question de deux conversations qu'il avait eues, lui, sur des réseaux sociaux avec elle. Puis rappelez-vous le cas qu'il y a eu dans l'ouest du pays, les SCRS qui essayaient de manipuler un couple d'arriérés-mentaux pour leur faire commettre des attentats. Donc, vous parlez à Alexandre. Je pense que c'est une victime, lui. J'excuse pas ce qu'il a fait, au contraire. Mais je pense pas que ça vient de lui. Peu importe le niveau d'où ça vient. Il était comme un petit garçon. Ben oui, mais il était sous le choc. Quand vous programmez quelqu'un, une fois que la suggestion est accomplie, vous suggestionnez un acte à quelqu'un, ben, une fois que c'est accompli, l'énergie est libérée. Regardez au niveau de les expériences en suggestion mentale puis en hypnotisme. La personne, une fois qu'elle a accompli, elle est perdue, là. Elle ne sait plus ce qu'elle fait là. J'avais vu une expérience, un homme suggestionnait une femme d'aller dehors. Là, il était perdu. Rire des humoristes et rire sincère, ben, c'est la spontanéité. C'est la spontanéité qui fait, dans le fond, la sincérité. Donc, bon. La plupart des humoristes, c'est du monde dépressif, là. C'est pas des bouts de temps très tant que ça. C'est quand ils sont sur scène. Quand ils sont sur scène. L'autodérision, c'est une façon de se protéger. La grosse madame sur scène qui rit, ha ha, je suis grosse, ha ha ha. C'est parce qu'elle a beaucoup souffert de ça. Puis elle pense qu'elle prend de l'avance, puis qu'elle prend tout le monde d'avance en riant d'elle-même. C'est une façon de se protéger. La plupart des humoristes, c'est des gros cas. Des névrosés. Hein? Ben, moi, je trouve qu'on a pas mal de gros humoristes qui sont apparus dans les derniers temps. Puis je parle, il y a des hommes là-dedans qui sont des gros humoristes aussi. En tout cas. Ok. Pourtant, si l'humain comprend son évolution historique au travers des révolutions, ou grâce à la part du fait que l'humanité peut changer de réalité. La mort, ça c'est un cycle. Vous, vous trouvez que il y a une évolution historique. C'est le même humain, c'est le même être. C'est le contexte qui change. C'est le contexte au travers des révolutions. Toutes les révolutions se ressemblent, les guerres se ressemblent. Moi, je trouve que plus ça change, plus c'est pareil. Il n'y a pas eu de révolution tant que ça. C'est juste des changements de contexte, des bouleversements sociétaux, bon, mais à part ça, là, une réelle révolution de la faculté d'être de l'humain, on n'a pas eu encore. Donc, je ne veux pas changer de réalité. Changer de réalité, c'est comme les gens changent d'opinion, ils changent de mentalité, ils changent de mode. Mais les autres, ils ne changent pas. Ça sert à quoi de changer de réalité? En tout cas, d'où son autorité pour briser ses formes et sa réapproprier l'énergie? Il faudrait que je lise avant, que je perds le fil. La manipulation mentale peut aller jusqu'où? Jusqu'à l'annihilation totale. Jusqu'à l'endormissement total de l'ego, jusqu'à la destruction du jeu et de l'identité. Ça peut être tonique. L'ego, fond, ça peut aller jusqu'au bout. Donc, la manipulation mentale, ça peut aller jusqu'où? Ça peut aller jusqu'à vivre toute votre vie, une vie qui n'est pas votre vie. Puis même pas vous en rendre compte, puis mourir dans votre boîte. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Beaucoup de politiciens ont vécu toute leur vie juste des programmes, aucune conscience. Tout est circonstanciel, tout est mécanique, tout est... Au fond, il y a des gens qui sont des... là, on pourrait parler des portails organiques. C'est de la technologie à partir des sciences humaines. Dans le sens que la plus avancée des technologies, c'est le biologique. En tout cas, là, je l'ai perdu. Là. Pourquoi les Québécois ont tant besoin de rire? Fascinant comme ça, pas une des jokes boss parce qu'ils sont dépressifs. En tout cas, là, je vais en perdre, là, si je vois ça bug chez moi. Désolé. L'émergence d'une civilisation mondiale, c'est nouveau ou non? À chaque fois, tu sais qu'il y a ça. Le commerce avec l'astral, en résumé, l'homme est un créateur endormi qui met de l'énergie dans des vieilles formes et s'auto-fascine en circuit fermé. Ouais, entre autres, mais il y a de l'aide. Ou plutôt, il nourrit des parasites qui ont intérêt à le concepto comme ça. Les mécanismes ne changent pas, moi. Ouais. Ariane, ça s'arrête à la mort physique. Moi, quand on voit, je ne suis pas sûr, ça dépend de quoi vous parlez. Parce que la mort physique, il n'y a rien que des programmes des fois après. En tout cas, semblait-il. Hein. Quand on voit clair dans le phénomène, on a beaucoup d'autorité. Ouais, l'autorité, ça va être lié à votre vue. C'est tout le temps lié à votre conscience. L'autorité réelle, c'est lié à votre conscience. Assurée. Ah, ça se peut que je sois assurée, là, quels sont. Toi, d'astral. Moi, là, j'ai de la misère des fois à faire le fil. Là. Le changement, c'est quand on voit le mécanisme. Là, c'est plus qu'un changement, c'est une transmutation parce qu'il y a une intégration du réel. Si vous voyez la mécanique qui n'était pas vue avant, vous intégrez du réel, puis en tant que conscience, vous êtes dans un état de transmutation. Mutation. On disait bien au-delà de la révolution, bien au-delà de tout ce qui est même c'est l'essence de l'évolution. La vraie, là. La vraie. Donc, à chaque fin de cycle, c'était quoi à la fin du dernier cycle? Ben ça. Comment voulez-vous qu'on le sache? Il reste juste des mythes, il reste juste des traces, puis on est pris, si on fait ça, on est pris pour interpréter. Mais toutes les mythes de toutes les cultures, par un moment donné, il y aurait eu un âge avant, il y a eu un grand effondrement, on est reparti à zéro. Il n'y a pas une culture sur Terre qui n'a pas des affaires de même. Ne serait-ce que dans les religions abrahamiques, vous avez l'histoire du déluge, vous avez l'histoire de... y a plein d'histoires de même, d'affaires hautement avancées, à un moment donné, qui s'écroulent. Parce que là, bon, là, il y a des forces qui viennent détruire la société parce qu'elle ne convient plus à ce qui est plus haut. C'était un peu comme les Atlantes, ce Gugus, là. La force, pas de croire aux athlètes et tout, mais de regarder au-delà de la forme, puis comprendre c'est quoi les cycles, puis comment ça marche, puis pourquoi on a tellement de difficultés à se faire une idée de ces temps-là, c'est parce que ça a dû être tout un lavage, hein? Tout un lavement. Bon, je m'excuse si ça coupe, là. Les larves astrales, c'est quoi le lien avec les toiles d'araignée? Ouais, mais ça, l'affaire, les larves, c'est même pas des entités au sens où... C'est même pas des... Bon, ça, on peut même pas parler comme des mémoires de des morts, des enfants de même. Là, on est dans l'espèce de faune. Les larves astrales, c'est comme de la faune. C'est comme des animaux. Et oui, ils sécrètent des affaires. Ben, moi-même, je comprends pas trop ce phénomène-là. J'ai pas pu étudier ça vraiment. Ce que je peux dire, c'est que c'est répétitif, ça revient. Puis c'est des expériences que dans différentes cultures. C'est ça se ressemble tout. Là. C'est chacun de savoir si c'est irrémédiable. Oui. Ben, il y en a des fois que, bon, ça marche dans les deux sens, du réel vers la conscience et inversement. La conscience vers le bois, ça revient au même. C'est comme si vous vous approchez d'un miroir. Les deux, le reflet comme vous, vous êtes dans le même mouvement. Je reviens au Québec pour les fêtes. Vont-ils nous ramener l'hystérie si oui, je reste ici? Je pense pas. Ça le sait, je m'excuse. Là. Désolé. Il faudrait que je me rachète un meilleur. Bon. J'ai peut-être une mauvaise connexion. Là. Du coup, comment pouvez-vous affirmer qu'à chaque fin de cycle, il y a eu des civilisations mondiales? C'est pas ça que j'ai dit tout à fait. C'est pas ça que j'ai dit tout à fait. J'ai dit. C'est normal parce que ça fait partie des lois. Ça fait partie. Même on voit ça au niveau des espèces animales. C'est-à-dire, et au début, ça se peut qu'il y ait une nouvelle espèce puis tout, mais il va finir par avoir une régularisation, une caractérisation puis une stabilisation de l'espèce rendue à un certain niveau. Souvent, c'est avant de passer à d'autres choses ou de que ça disparaisse. Parce que il y a une fixité, donc une adaptation possible. Mais je ne dis pas que c'est mondialiste, là. Ça veut dire quoi, mondialiste, à une époque, je ne sais pas, moi, comme il y a 26 000 ans? Ça peut juste vouloir dire qu'il y avait tout simplement une capacité de promener l'information un peu comme on a maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il était mondialiste au sens où on l'entend aujourd'hui. Ça veut dire que le monde était connu. Le monde connu, ce qu'on appelle le monde connu. Ça que, à ce niveau-là, vous n'avez même plus besoin d'instruction de sagesse pour avoir du pouvoir, donc c'est mauvais signe. C'est mauvais signe. L'information est disponible, c'est ça le mondialisme quelque part. L'information est disponible, peu importe où vous êtes où, vous pouvez avoir les mêmes connaissances que quelqu'un qui a étudié toute sa vie. Le dernier des petits clins peut savoir les mêmes choses. Dans le fond. C'est juste une phase de standardisation, puis ça se caractérise par... ben c'est ça. Il n'y a plus de créativité, dans le sens que il n'y a plus d'individualité. Un monde trop vaste, trop ouvert, trop large, ça aboutit à... Hein? J'ai jamais entendu parler de cela, à part de toi. Ça dépend de quoi, là? Je sais pas de quoi on parle. Une ère dure combien de temps? Juste 26 000 ans à peu près, plus ou moins. Plus ou moins 26 000 ans. C'est un phénomène qui est lié à l'axe de la Terre. La Terre comme ça. Bon, vous pouvez regarder pour des modèles. C'est défini par la précession des équinoxes. Donc, ça devient un peu complexe. La Terre tourne sur elle-même dans un sens en même temps qu'elle tourne, elle tourne dans un mouvement circulaire dans un autre sens. Mais en même temps que tout ça se fait, son axe, lui, tombe dans ça. Il y a, ça, il prend 26 000 ans. Dans le fond, c'est un... Ben, voir des modèles, c'est... Je veux dire... c'est pas d'hier, là. C'est pas d'hier. On se servait de l'étoile du Nord, entre autres, pour placer... Là. Pourquoi les pôles étaient tellement importants? Pourquoi... C'est des affaires qui, des connaissances datent, entre autres, de ce qu'on sait, de ce qu'on peut de vérifier, de leur jubrance. Donc, bon. Hein? Les araignées sont très sensibles au diapason utilisé pour accorder les instruments de musique. Ouais. Ben, les arachnides, c'est très vibratoire parce que c'est très... Comment je pourrais dire ça? Des formes de vie primaire. Hein? Les limules, c'est dans la famille des arachnides. À un moment donné, je m'étais même intéressé aux limules. Puis là, j'étais cousin des arachnides. Puis c'est même pas proche de leur rapprochement des crustacés. Là. On dirait que les gens commencent tout juste à voir Papa Legault comme un gros porc répugnant avec 3 ans de retard. Ouais. Ben même, là. Je parlais des larves astrales, mais il y a de l'interférence, un décalage dans le chat. OK, ça se peut. Non, il n'y a pas rien que moi qui parle de ça. C'est tout un pan de tout, un, tout ce qui était à la fin du 19e siècle, il y en a qui ont voulu commencer à vérifier, à faire des expériences empiriquement par rapport à ce qu'on pourrait appeler l'occultisme, parce qu'ils voulaient départager la connaissance du mythe, si on peut dire. Donc, souvent des médecins, des notaires, des physiciens qui sont là à faire des expériences par rapport à ce qu'on a, certaines affaires. Il y en a beaucoup qui ont parlé, notamment c'est connu, je veux dire, les deux chamans étaient, bon, qui ont décrit des affaires. Puis après, ça s'est été décrit par les premiers, les plans les plus bas de l'astral, c'est pas des formes humaines qu'il y a dedans, c'est plus de la forme. C'est plus de la forme. Ça, c'est connu depuis l'Antiquité. Donc, qui a parlé des larves astrales? Il y a le docteur en cause qui en a parlé. Puis là, je ne suis pas en train de vous dire d'aller lire ça. Là. La puce. Je ne suis pas en train de vous lire, de dire d'aller dire ça. C'est pour vous démontrer comme quoi c'est des affaires, c'est su. Il y en a beaucoup qui en ont parlé. Donc, la puce en a parlé. D'autres aussi. J'ai pas envie de faire la liste de tout ce monde-là parce qu'après, le monde, ils prennent ça en note et ils se mettent à lire ça. C'est pas parce que ça existe et qu'ils en ont une connaissance qu'ils ont. Ça a une référence sur tout. Là. Les magiciens, les occultistes, là. Mais il reste qu'ils ouvrent une porte sur des phénomènes que ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Prenez l'épée. L'épée, dans les rites qu'on voit chez les magiciens qui font de la magie rituelle. L'épée, elle sert à diriger la volonté, entre autres. Mais dans le plan astral, c'est, il se passe plein d'affaires, là. Je fais du sumagré avec un truc. Mais dans l'astral, il se passe plein d'affaires. Ça va servir à dissoudre les larves, souvent. Puis pareil pour ceux qui font de la sorcellerie taoïste. Ils vont avoir une épée, elle est faite avec des sous. Des sous en étain. Vous en avez en bois. Il y a certaines épées en métal. Ils vont s'arranger pour la faire éclairer par la lune. Pour la charger magnétiquement. Puis on tombe dans des affaires. Mais eux autres, ils savent c'est quoi des larves. Je veux dire, les larves astrales, c'est connu des Africains, des Chinois, des Arabes, des Juifs. C'est connu de tout le monde. Dans le sens, tous ceux qui ont quelque part une pratique lié à l'invisible, même si c'est pas un empirisme parfait, puis qu'on peut pas peser ou vérifier tout, il reste qu'il y a des affaires qui se recoupent. Les gens qui font de la paralysie du sommeil, des fois, ils voient des larves astrales, puis c'est pas autre chose, dans le sens que, bon, ça ressemble à ce comme, des fois, c'est des créatures qui peuvent nous paraître étranges, c'est un peu comme visiter les abysses, là, avec, mais il reste que, il y a des c'est C'est comme des animaux. Des animaux. Bon, je vais en perdre là. Nous sommes tous sans exception responsables du destin de l'humanité. Ça s'en met beaucoup sur les épaules, ça revient de la vanité un peu. Dans le sens que, bon, ben, prenez la responsabilité. Dans le sens que, en tout cas, moi, je ne pense pas que la Terre tourne. C'est correct. C'est peut-être l'univers qui tourne autour de la Terre. Mais il y a du mouvement. Parce qu'il y a de la polarité, de la forme. Puis il y a les lois magnétiques. Donc, il y a du mouvement. Hein? Dans le fond, c'est pas important. Moi, ce que je vous dis, on le calcule de même. Puis au pire, considérer que la Terre est fixe, puis c'est le ciel qui bouge. On va arriver au même résultat au niveau des cycles. Ça change rien. Ça ne change rien. Ça voudrait dire que... Bon, j'ai pas eu le temps, désolé. Mais Bertha, nous vivons sur une plateforme parfaitement immobile. Ça, c'est moi, ouais, c'est ça. Il y en a qui pensent ça. C'est leur affaire. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Ça veut dire que le monde est mobile à peu près. Pourtant, il précède en âge. J'aime les, mais c'est une faculté suspendue en ce moment. Mon énergie est ailleurs. Bon, c'est pas, dans le fond, c'est des affaires, c'est pas intéressant tant que ça. Donc, perte d'intérêt pour la connaissance, l'intellect, mais des fois, il y a un truc qui vibre quand même. L'affaire, c'est parce que il y a une différence entre... Prenez, on va prendre les chevaux. Puis, il y a de la connaissance, comme par exemple, comme des vétérinaires qui vont écrire sur la santé des chevaux. Ça n'empêche pas que les chevaux existent. Puis, l'important, c'est les chevaux en eux-mêmes. Donc, bon, dans le fond, c'est pas important le fait que tout ce qui a été écrit sur les larves astrales, l'affaire qui est importante, c'est, dans le sens, c'est les larves astrales. Moi, je le sais que ça coupe, mais je sais pas quoi faire. J'ai rêvé un dauphin et une femme que je connais, genre une sirène, c'est du symbolisme, mais il y a de l'info, c'était joli. Mais je me méfie de ce qu'il y a derrière. Moi, ben, les rêves... C'est comme la sirène. C'est des symboles archétypiques liés à l'origine de la vie. L'origine de la vie. La libido. Mais bon. Un psychanalyste, lui, il réglerait ça vite, là, mais eux autres, ils aiment ça tourner coin rond, je trouve. Mais bon. Quand je marche, c'est la terre qui bouge pour matcher mes pieds. Je suis le centre de l'univers. Le pire, c'est que c'est pas fou. En tant que perception. En tant que perception. C'est ça qui a fait le début de la Renaissance. Pétrarque. Pétrarque. Le premier à avoir fait une littérature où il s'exprime vraiment en tant qu'expérienceur de son point de vue. Il a révolutionné la pensée, mais ça n'a pas révolutionné le monde. Ça a révolutionné l'intellect, donc aussi bien dur, ça n'a rien fait. Mais c'est lourd de conséquences, pareil. En tout cas, ce n'est pas une pensée, c'est une réalité. Quoi? OK. Pas juste l'ego qui est impliqué dans ce plan. À mon avis, tous les partis sont impliqués. De quoi on parle, là? Je mêle. Le ciel et les cieux. Moi, ça, c'est pas pareil. Mais le ciel... Vous avez le ciel, c'est-à-dire ce qui entoure la planète. La couche électromagnétique qui entoure la planète. Il y a d'autres affaires, il y a d'autres choses. Donc, ils sont impliqués à leur insu, des idiots utiles alignés avec leur intérêt moine. Bon, je ne sais pas, je comprends. Là. Les lumelles sont utilisées dans les laboratoires au rang pour en tirer un liquide bleu. Ben, c'est leur sang. C'est leur sang qui sert à tester des vaccins. J'ai été choqué de l'image en laboratoire. La lumière a quasiment survécu à tout. Oh, wow, mais c'est tough, ces bébites-là. Les blandais, les font cuire sur le cul. Ben, si vous la faites chauffer, elle ne t'offre pas longtemps. En tout cas, son sang est extrêmement sensible et réactif. On s'en sert aussi pour les tests d'ADN. Vous ne pouvez pas faire de tests d'ADN sans du sang de l'immule. C'est bleu mauve. Ça a une grande valeur. Si la limule est s'éteint, puis test d'ADN. ça tient pas grand-chose, la science. La science. Sans la nature, puis la vraie technologie, qui est le biologique, le même, il n'y a pas aucune science. Là. Il n'y a plus rien. On ne peut pas synthétiser du sang de libellule. Impossible. Impossible. Donc, personne ne connaît vraiment la forme de la Terre quand elle prend forme de la conscience. Mais ce n'est pas important. C'est ça que je vous dis. L'affaire, c'est que vous sachiez que quelque chose est en mouvement, il vous sert de repère, puis vous pouvez calculer des choses avec, que ça ait la forme de... C'est pas ça, là. C'est comme on s'arrête à... Ben, c'est ça, on s'arrête à la forme. Hein? Comme on s'arrête à la forme en voulant pas s'arrêter des fois. Mais c'est pas important. C'est pas très beau, les mules. Non. Le processus de conscientisation peut-il s'inverser? Peut-on devenir moins conscient après avoir été plus conscient? Oui. Ouais, la conscience en elle-même, elle ne régressera pas, mais l'ego, l'individu, la façon dont ça s'exprime, oui, ça peut arriver. J'ai déjà vu ça. Donc, ben oui. J'ai lu il y a longtemps que nous sommes dans l'illusion de bouger et que nos corps dorment. Ça m'a laissé par Félix. S'ils dorment, ça voudrait dire qu'ils ont capacité de se réveiller. Il y a un philosophe, je ne me rappelle plus de son nom. Il disait ça, lui, que le mouvement, c'était une illusion. Puis il parlait qu'une flèche, comme un archer qui tire une flèche, en fait, la flèche quitte jamais. La flèche ne bouge pas, dans le fond. Puis que le mouvement est une illusion, puis c'est une impossibilité. Puis je pense que c'est Diogène de Sinope qui assistait au cours du philosophe. Il s'est levé de bout, il est allé donner un coup de poing dans la face, puis il est retourné s'asseoir. C'est ce qui est rapporté. Puis là, l'autre dit, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, Diogène de Sinope a dit, ben non, mais j'ai jamais, le mouvement n'existe pas. J'ai jamais quitté ma place, c'est une illusion. Moi. En tout cas, en France, peu importe que le mouvement soit juste une perception, la perception est une réalité en tant que perception, je veux dire. En tout cas. En France, j'ai vendu mon cheval à des Canadiens. Par la suite, leur fille a eu une médaille d'or aux États-Unis avec. Oh oui. Eh bien. Si la limule disparaît, elles testeront directement sur des homo sapiens. Non, ça, on a le sang des anthropoïdes n'est pas. Bon, en tout cas, l'herbe astrale. Bon, j'ai pas le temps. Ce n'est pas tant pour la forme que pour réaliser la grande programmation. Pour se déprogrammer. En s'ouvrant l'esprit pour se brancher sur le cœur. C'est parce que ça revient à l'envers. Pour là, si vous le regardez comme il faut. La source de l'être cœur. Ça vient d'en haut. Hein. Nous allons délire. Oui, ça se peut. C'est bien possible, je ne me rappelle pas. Mais lui, il dit, pour qu'une flèche quitte l'arc, il faut qu'elle traverse la moitié de la moitié de la moitié de son parcours, puis de sa distance, la corde, là, la corde de la flèche. Donc, impossible. Je vais vous raconter un souvenir quand j'avais 8-9 ans. On m'a expliqué que la Terre était ronde et qu'elle tournait. J'ai calculé sa vitesse de rotation à l'équateur et je me suis dit, impossible. L'important, c'est pas l'affaire que. C'est pas ça l'important, dans le fond. Mais prenez votre. Ma tante qui suit le narratif par sa seule naïveté maintenant. Mettez-la dans un poste de pouvoir ou comme journaliste, protégeant son statut, dit tout de même moi. Mais ma tante qui croit le narratif, qui suit le narratif, elle n'est pas de mauvaise foi. Elle est sincère, tandis que le journaliste. Écrivez moins vite. Moi, ça dépend. Là. L'espace et le temps font partie de la programmation du monde expérimental et donc le mouvement est une nécessité pour l'organisation des structures. Oui. Ben oui. Oui. C'est certain. Parce que sinon, on serait resté dans l'immanifeste en dehors du stable de l'espace. En tout cas, pompez-moi l'énergie, moi, Est-ce que Fergus était un extraterrestre? Peut-être. C'est pas à moi de définir ça. Fergus était descendant direct des Cyberbrains. Que vous avez, Fergus, y a-tu écrit quoi que j'ai pas vu? C'est les ténèbres qui siphonnent l'énergie. Ça dépend, mais ça fait partie des lois magnétiques. Prenez les Chinois. Et eux autres, ils vont voir, comme par exemple, des points de congestion au niveau de la santé. Des fois, ils vont être blancs, des fois, ils vont être noirs. C'est pas une vision positive, négative. C'est plus lié au sens de la congestion. Puis là, certains praticiens, au niveau de leur pratique, ils vont tourner dans le sens des égaux, dans le sens contraire pour tirer. Pourquoi que je dis ça? C'est les ténèbres qui se font l'énergie. Prenez la couleur noire, elle absorbe la lumière. Le blanc la réfléchit. Mais des fois, le noir, c'est ce qui convient à un certain état pour établir un équilibre. Des fois, le blanc, le surplus peut vous tuer, vous brûler. C'est pour ça que pas le polariser comme des fois, si vous avez un surplus d'énergie et que c'est en train de nuire à votre équilibre, un petit peu de noir pour tirer ça, ça peut servir. Ça dépend du contexte. Quand je roule en char, je calcule la vitesse à 120 km. Pourtant, je peux boire un verre d'eau. Impossible. Moi, ouais, mais vous êtes dans un habitacle qui a sa propre densité. Là. Je veux dire, promenez pas de main. C'est comme un bateau. Prenez. OK, on va prendre un bateau. C'est le premier que je pense qui a fait l'expérience, c'est. Voyons comment il s'appelle, lui, ils l'ont brûlé. Il était brûlé pour vrai, lui. Il y a un bateau qui est en mouvement. Lui, il est monté sur le mât principal, puis il a lâché un poids. Puis la trajectoire était parfaitement droite, même si le bateau est en mouvement. Le bateau était sa propre planète, quelque part. Donc, il obéissait aux lois d'un corps, qui a sa propre densité. Puis qui donc, le poids obéit par rapport au bateau, pas par rapport à la Terre, au niveau des lois de physique. Puis c'est pareil, Galilée, il faisait descendre des poids, des espèces de gouttières en bois. Le poids change absolument pas la vitesse de trajet, la vitesse pour c'est-à-dire un boulet en plomb ou un boulet en bois beaucoup plus léger, il prenait le même temps pour descendre. C'est lié à des lois par rapport à la densité des corps. C'est de la physique classique pareil, là. C'est de la physique classique pareil. Hein? C'est Giordano Bruno qui a fait l'expérience de lâcher un poids du mât d'un bateau en mouvement, tomber parfaitement droit. C'est deux pour faire élever la conscience de la masse. Bon, je ne sais pas là ce que ça vous donne. Hein? Fergus, c'est mon nouveau. J'ai pas le temps de lire. Là, j'ai pas le temps là. Quand vous allez vite demain, j'ai pas le temps. Le noir en extrême, le blanc en interne. Ouais, ben les. Veuillez patienter pendant que nous essayons de rétablir la connexion. Bon, c'est quoi les taoïstes? Ils disent « aime le blanc à l'intérieur, le noir à l'extérieur. » La force pour accumuler. Il y a une affaire de batterie là-dedans. Même en rangeant son poulet, Fergus travaille dans les visibles. Il fait de l'overtime. Qu'est-ce qu'il y a là, Fergus? J'aimerais aborder le fait que Lucifer est le porteur de lumière, créateur des mondes. Non. Mais Dieu n'est pas un aspect créatif selon la religion. Donc, il fait descendre son fils. Non, non. C'est pas ça qui est dans les. C'est pas ça la base de la création. C'est pas le fils. Là. Quand on parle de la Genèse. Puis Lucifer, porteur de lumière, créateur des mondes. Mais non, le monde, il date d'avant la chute. Lucifer porte la lumière, il n'y en est donc pas la source. Sinon il aurait été défini comme Apollon, comme s'il était source de lumière. Mais pourtant, non, c'est plus honnête que ça. Hein. Ça a été assez, en tout cas, inertie. Osez changer. chapardeur. Ou tu... Je me suis souvent servi de l'humour comme un masque. Ouais. Les humoristes, pour ça que, bon, merci pour votre attention, j'essaie de laisser de l'espace aux gens. OK? Ah, les taoïstes. Ben, il y en a plusieurs qui disent ça. C'est parce qu'il y a une affaire de comme les principes magnétiques. Prenez, si vous mettez des battants sur un même axe, un côté noir, un côté blanc, dans une ampoule, puis que vous tirez, vous créez un vide dedans, puis que là, vous mettez une lumière dessus, ça va se mettre à tourner. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de résistance pour les photons, mais c'est l'altération entre le côté blanc puis le côté noir qui va faire que c'est possible. C'est les mêmes principes qu'une batterie, que ben, les aspects magnétiques. Tant qu'à moi, la polarité est nécessaire. Il n'y a pas de vie sans... Comment je pourrais dire ça? Les aspects électriques du vivant vont se déclencher dans le corps selon des lois de polarité et de magnétisme. Un peu comme un éclair qui passe à travers... En tout cas, c'est un peu le principe des paratonnerres, là. Pas selon la religion, mais la théosophie. J'ai mal formulé. OK, moi, mais la théosophie... Hein? La théosophie, là. Ah, il y a un militaire, un vieux militaire ukrainien qui s'appelait Blavatsky, puis le soir de ses noces, quand il a fallu qu'il accomplisse son devoir conjugal avec sa femme Elena, tout d'un coup, il a vu quelque chose, puis il est parti. Petite anecdote par rapport à la théosophie. Il semblerait qu'il y avait une malformation génitale. Madame Blavatsky avait quelque chose. Bon. Ça se peut-tu que toute la théosophie soit liée à des raisons psychologiques d'activité de compensation? C'est important de devenir quelque chose. Hein? En tout cas. Ah bon. Ouais, dans la cosmogonie d'Urantia, Lucifer serait créateur et commandeur d'une sorte d'armée. Mais bon, ça, c'est des trois mois. C'est pour ça, ben, ça, je l'ai même pas lu. Tu sais. C'est difficile pour moi. Là, de... Tandis que la théosophie, j'ai un petit peu. Là. Qui sont d'accord avec moi? Alors. Je sais pas, je me rappelle même pas qu'est-ce que... Fergus, mon rire, c'est à cause du poulet en même temps. J'ai vraiment pas de mémoire parce que un poids et une plume, pas en même temps. Non, ben c'est parce que premièrement, c'est lié à la forme, je veux dire. C'est pas pareil, là. Parce que la forme va... C'est pas le poids, là, c'est la forme. Mais si je parle... Genre, les expériences en physique comme Galilée, il faut les faire avec les mêmes formes, mais pas la même substance. C'est la plume à cause de sa forme. Il y a une influence de l'air dans son parcours vers le sol. En moins d'enfer. Si vous prenez votre plume, là, puis là, vous l'écrasez, vous en faites des petits motons, là, va tomber pas mal vite. Bon, en tout cas. Fergus, même une double vie en astral. Il joue le rôle du colonel Sanders. Une double vie en astral. Colonel Sanders. Moi, je l'aime, le colonel Sanders. J'aime pas son poulet, mais lui, je l'aime bien. Savez-vous ce qu'a fait le colonel Sanders? Voilà, ça n'a pas rapport. De toute façon, il va falloir que je quitte. Mais tant qu'à dire, bon. Le colonel Sanders, il avait copié la recette des Noirs américains du sud des États-Unis, puis il leur a volé des épices qu'eux autres, ils tenaient des cajuns, entre autres. Puis l'habitude de faire frire le poulet. Dans le sud des États-Unis, les Afro-Américains font beaucoup frire le poulet. Notamment une habitude qui vient d'Afrique, les jours de fête, on fait frire des oiseaux, si on a les moyens, parce que l'huile, ça coûte cher. Puis le colonel Sanders, il s'est fait avoir total. Il a vendu, je pense, sa chaîne, là, puis c'est, je pense, pour 2 millions. Quatre ans après, ça valait 40 millions. Le colonel Sanders est venu ici, dans la ville où je suis, en personne. Puis, en tout cas, mais le colonel Sanders, c'est pas un grand homme d'affaires. C'était pas un grand homme d'affaires. C'est pas comme d'autres. Mais il reste que c'est de l'appropriation culturelle, le poulet frit Kentucky, là, techniquement. Mais c'est là qu'on voit que les woke et ces affaires-là sont alignées avec le monde des affaires, les intérêts, parce qu'il n'y a personne qui ose m'en parler de ça. Mais c'est de la nourriture afro-américaine du sud des États-Unis. Elle est hermaphrodite. Ouais, on dirait bien. Madame Blavatsky. En tout cas, le bonhomme Blavatsky, quand il a vu ça, ça a fini là. Le mariage n'a jamais été consommé. C'est tout ce qui est rapporté. Madame Blavatsky, elle, c'est son père l'aimait tellement. Elle a pu voyager partout dans le monde parce que. Bon, en tout cas, une boule de bowling et une plume vont être simultanément laissées tomber de plusieurs mètres de haut. Là, sans surprise, la boule de bowling s'écrase avant la plume. Mais c'est sûr, parce que la forme crée une résistance par rapport à l'air. Ça n'a pas rapport avec le poids, ça a rapport avec la force. Hein? Si on crée un vide complet, là, okay, on fait la même expérience dans un vide total. La plume, elle ne va pas vivre le même phénomène. Puis là, même là, ça compte pas très bien parce qu'au niveau de l'électricité, l'électromagnétisme, puis l'électricité statique, puis tout ça peut jouer sur les mouvements de la plume. Il y a des champs, même quand il y a un vide complet, il y a des champs électromagnétiques. Quelle idiocratie textuelle, vous me faites bien rire. Ben, je ne sais même plus à quoi, par rapport à quoi. Ce sont comme, ben, je ne savais pas quoi dire, moi, sur le. Ce sont comme des guerres dimensionnelles, la 2, la 3, encore ces affaires-là. Encore ces affaires-là. Quand est-ce que quelqu'un va être assez capable pour passer à la 1D? Le vrai feu de bois ne vous manque pas avec vos chauffages modernes. Oui, mais bon. Quand j'avais ma maison, je chauffais au bois, mais maintenant. Toujours. OK, là, je ne sais pas par rapport à quoi. Je vais devoir vous le laisser. Là. Colin and Sanders égale tous les. Les sudistes en sont des copies conformes, le pinch, le chapeau, dans la ceinture. Est-ce que c'est pas lui qui était, dans le fond, la copie conforme de. Parce que c'est assez récent, le colonel Sanders, mais avant lui, il y en avait des de même. Comment il s'appelle, donc Général Custer. Quelle belle chevelure! Ben non, bon, les Américains. Hein. Juste ses yeux parlent d'eux-mêmes, cette madame. Là, j'aurais même pas mangé son poulet, même, la famille, moi. Ben, la madame Blavatsky, il en aurait long à dire. Justement, Guénon, il écrit sur elle. Il l'a connu. Hein? Tant qu'on parle de dimension, on parle de corporalité. Attendez, là. Attention, parce qu'il y a plus différents niveaux de densité. La conscience, c'est en dehors, c'est unidimensionnel. Oui, mais il y a rapport à. C'est la perception. Hein? En tout cas, bonne journée. Ben, bonne journée, Fergus. Mais oui, ça fait partie de votre conscience, la fait que vous mouvez un corps. Donc, la multidimensionnalité, il faut qu'elle soit intégrée par l'unidimensionnalité de la conscience pareille. Ça fait partie de. En tout cas, c'est-à-dire qu'il faut être conscient dans différents plans. Ils ont changé le nom pour PFK parce qu'il n'y a plus grand-chose qui ressemble à un poulet dans leur recette. Je ne pourrais pas dire, j'en achète jamais, puis je ne bois jamais, puis c'est ça. C'est comme McDonald's. McDonald's, ça fait faire plus de 15 ans que je n'ai pas. Je croyais bien qu'il fallait le même métaux ou substance. Non, pas nécessairement. La Blavatsky, un sinistre personnage. Ouais. La matérialité par corporalité. La corporalité, c'est la corporalité, il va y avoir une structure. Puis il va y avoir une densité. Il faut qu'il y ait une structure, parce que le corps, ça véhicule. Donc, bon, ça dépend. Là. pourrais regarder ça à un moment donné comme il faut. Est-ce qu'il y a plusieurs types de multidimensionnalité? Non, il y a plusieurs types de dimensionnalité, mais... Hein? Créature ou espèce? Ben, c'est sûr qu'un acarien, ça n'a pas... Ça vient pas d'aussi haut, là. Ça retourne pas non plus. Dans le sens que... Non, c'est sûr qu'il y a des formes de vie que ça va pas aussi large, là. On va prendre l'être humain. L'être humain, il est multidimensionnel. Un singe ne pourra jamais être multidimensionnel comme l'être humain parce qu'il n'obéit pas aux mêmes lois. Tout à fait. C'est pas aussi large. Ben, OK, on va faire chier les darwinistes. On va faire chier les darwinistes. Pourquoi l'homme, on va dire, il est à part, il y a une part de divin en lui, blablabla. Regardez les singes. Prenez l'homme de Vitruve que Da Vinci avait copié puis qui avait volé à Vitruve, les proportions du corps humain. Vous ne trouverez pas ça chez un singe. Là. Aussi parfait que ça. Il va y avoir des lois d'harmonie chez le singe, mais ce n'est pas les mêmes. L'être humain, ce n'est pas un singe. On le voit notamment par la façon dont il est constitué. Rien à voir. Donc, l'être humain, c'est sûr que sa multidimensionnalité est plus large que celle d'un singe. Ça n'a pas le choix. On le voit par les lois constitutives de sa, justement, de sa corporalité. Donc, désolé, mais l'homme de Vitruve, juste le Démodex, j'ai passé des années à étudier la forme des Démodex. C'est pas mal impressionnant. C'est pas mal impressionnant. L'homme et le Démodex ont le même modèle de base. Surprenant. Hein? Mais l'homme, il aboutit à une finalité que le corps du Démodex soit pas. Pourtant, le Démodex, c'est un mystère. C'était jusqu'à encore. Puis nous l'ont mis en pleine face. On l'a en pleine face, cette créature-là. Vous l'avez dans les pores de votre peau. Le Démodex est capable de complètement sublimer la matière au niveau de sa digestion. Le Démodex est un petit être qui n'a pas d'anus et qui pourtant mange. Il mange quoi? Il mange le sébum de votre visage. Mais il n'y a pas d'anus parce que le seul déchet qu'il relâche, c'est des éructations. Personne ne s'intéresse au Démodex. C'est un mystère jusqu'à un certain point. La forme du Démodex, regardez la forme du Démodex puis l'abdomen de l'être humain. Et on a une clé en pleine face. Il vient à bout de sublimer le sébum. Si vous regardez la composition, c'est un gros... Il y a de la longue chaîne, puis... Il le sublime totalement en laissant aucun déchet. Bon, je vais en lire quelques-uns puis je m'en vais. Là. Faut que j'aille. Faut que je parte cet après-midi. France Légaré, c'est rendu vraiment dégueu. Le PFK, effectivement, les deux dernières fois que j'en ai mangé, j'ai eu de fortes migraines. Ah, ouais. Il y en a de plus en plus hein, du monde que je connais qui ont mal à la tête. Elle a tout de même écrit de splendides ouvrages, la dame en question. Ça dépend. Bon, la doctrine secrète. Bon, ça a beau être splendide. Isis dévoilée. Puis... C'est parce que hier, moi, je vois, j'ai l'impression. C'est que c'est des erreurs monumentales. Dangereuses, tant qu'à moi. Pourquoi? Parce que ben, ça nous mène vers où ça nous mène. À l'UNESCO, c'est des liseux de Blavatsky, ça. Tant qu'à moi. Puis Alice Bailey. Puis... Bon, c'est quoi le luciférisme? En tout cas, en anthropologie à l'université, on apprend que l'homme est un singe. Ça n'a pas d'allure. Non, ça n'a pas d'allure. D'ailleurs, le singe est un anthropoïde, pas un humain. C'est pas pareil. Hein? Bon, j'ai fini mon poulet. Ce que je voulais dire à propos du de Christ et l'ange déchu, c'est que c'est des principes systémiques. Pour créer la matière, cela prend une forme d'involution créative. Ouais, mais là, c'est pas sans sens pour rendu ailleurs. Rendu ailleurs. Attends, faut que je relise ça. C'est que c'est des principes systémiques. Pour créer la matière, cela prend une forme d'involution créative. Ouais, c'est parce que ça ressemble à des principes kabbalistiques. Un petit peu. Je voudrais regarder ça à un moment donné. Je comprends pas comment on peut croire que des gens, ils disent que l'homme descend du singe. Ben moi, ça me surprend pas. Moi, ça me surprend pas. L'homme descend. Quoi, il descend pas. Ça, c'est parce que on a une vision linéaire, temporelle de la vie. Mais les modèles dans l'éther sont intemporels. C'est juste une fois dans notre monde que ça leur il y a un processus, ça devient un processus. Mais les modèles sont parfaits. C'est juste le temps que ça s'applique, ça devient un processus. Ils nous ont menti toute notre vie. Ben ouais, mais ça n'a pas rapport. Comment je pourrais dire ça? Prenez une culture qui pense que, je ne sais pas, moi, que comme les Algonquins, que la corneille a créé l'univers en ouvrant une boîte. C'est pas par mensonge, pas des mensonges dans le fond. Ils croient à leur patente. C'est correct. Oui, tout est mensonge. Oui, d'une certaine façon, oui. Sapiens, ben, ça veut pas dire que ceux de bord qui reprennent ça sont de mauvaise foi. Sapiens, 4 creusés, 5, 3 creusés. Ben, il y a différents. Moi, je vous dis que le singe, c'est un anthropoïde, c'est même pas un animal. Mais l'homme, c'est pas un singe. D'un autre côté, prenez les couleurs de cheveux qu'on a disponibles sur Terre. Il y a roux, blond, brun, noir. C'est les couleurs qu'on a aussi des singes. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de lien. Mais on est lié à toutes. Donc, bon. Oui, c'est polarisant. Et l'humain comme forme, moi. Difficile à lire, Blavatsky. Moi, je sais pas si ça s'en vient. Quelqu'un s'était caché dans le buisson ardent. Il devait avoir chaud. C'est pas mal difficile de se cacher dans un buisson ardent. Imaginez, là. À un moment donné, on en parlera de ça. C'est quoi qu'on appelle le tronc nerveux, le système nerveux, puis... Ça vous fait pas penser à un buisson ardent. En tout cas, pourquoi il y aurait encore des singes de toute façon? Ben, il reste qu'il y a des humains que je vois quasiment comme des singes. François Legault, là. C'était nerveux, moi. Mais l'affaire, le buisson ardent, c'est un arbre en feu. Là, Moïse, il se promène dans le désert, puis là, tout d'un coup, il voit un phénomène. En tout cas, à un moment donné, on checkera ça. Là. L'homme est une fabrication de laboratoire. Mais qui a fabriqué le laboratoire? D'une certaine façon, je suis d'accord. Hein? L'homme a été créé de façon à ce que l'illusion de l'évolution soit respectée. Ouais. Ben, on est dans un monde de densité. T'as un espace, puis tout est processus. La vie est un processus. Donc, on obéit aux lois de notre plan. Ça ne veut pas dire que l'homme n'est pas fini, puis il n'est pas parfait en dehors du temps et de l'espace. Hein? Avoir un singe de compagnie, c'est fun, mais bien mieux qu'un chat ou un chien. Je ne sais pas, moi j'aime mieux un chat. Hein? Un chimpanzé là, qui n'est pas content et puis qui vous arrache la face. C'est fort, hein? C'est fort, un chimpanzé. J'ai déjà rêvé un buisson comme cela, mais il avait été illuminé de l'électricité bleue, comme un choc électrique. Eh bien, ben, le bleu, habituellement, c'est relatif à l'âme. À l'âme. Puis on va associer l'esprit au rouge souvent, le jaune ou le blanc. Mais le bleu, il y a quelque chose lié à l'âme. Ça dépend, là. L'homme ne descend de nulle part. Il sort du laboratoire. S'il descend nulle part, pourquoi on veut tout remonter? Pourquoi on veut tout monter? Il y en a, ben gros, c'est un site, il mêle plein d'affaires, puis là, il y a les affaires d'ascension. En tout cas, je voulais dire la réelle. Le réel. L'homme ne descend nulle part, il sort du laboratoire. Ouais. Bon, ben moi, je vais y aller. Donc, bonne journée. Maintenant, je bave, moi je ravale ma salive ou je crache dans la terre pour composter mes larves astrales. Ben, regarde. C'est pas si spécial parce que l'affaire crachée. Bye, merci. Ah ben de rien. L'affaire, là, les larves astrales, là. Juste certains types de névrose, c'est pas mal ça. Je veux dire, c'est même pas obligé d'être. C'est comme qu'on dit, on le voit quasiment. On les voit quasiment. Alors moi, je trouve ça se sent. Ça se sent. Puis surtout, c'est les gens qui ont travaillé avec des arriérés mentaux. Les arriérés mentaux qui font des terreurs nocturnes. Il faut être toutes sortes d'affaires. Hein. Pourquoi quand on met du quartz ou de l'améthyste dans un verre d'eau après un certain temps, des taches noires apparaissent dans la pierre? Je sais pas. Mais c'est peut-être une forme d'oxydation. Aucune idée. C'est peut-être lié au magnétique. Je ne sais pas du tout. Ben franchement. Après, je regarde ça. Bonne journée. L'homme était dénommé arbre à une certaine époque. Ouais. Alors, à un moment donné, c'est devenu un culte des arbres. Pourquoi? Qu'est-ce que tu parles au début? Saint-Martin avec sa hache. Mais des fois, bon, il faut couper un arbre, mais les racines sont là. Puis là. Mais ça, l'affaire, les larves astrales. À un moment donné, il va falloir se rendre compte qu'il n'y a pas juste notre sang qui peut être parasité. À un moment donné, ça va faire partie quasiment de la biologie, je suis pas mal sûr. On va finir par s'en rendre compte. Ce n'est pas l'homme. C'est l'homme de sang. Ce n'est pas l'homme. Là, je vois pas à cause du petit cœur. Mais il reste que. On est bien naïf de penser que. Prenez. Bon, sur votre peau, il y a plein de micro-organismes, il y a toutes sortes de. C'est de l'invisible. C'était de l'invisible. Il y a 300 ans, si j'avais dit au monde, il y a un paquet de créatures qui vivent sur vous. J'aurais passé pour un fou. Ça fait partie de la biologie, mais il y a encore des affaires, c'est invisible. Donc, ça en fait partie. C'est clair, l'image du cordyceps était très juste. Ouais. Mais c'est parce que j'ai raté le début. Bon, c'est pas grave, vous avez juste à copier l'adresse. Mais l'affaire, c'est que la faune, ça va plus loin que ce qu'on perçoit. Les larves astrales, c'est quoi? Sinon, des formes de vie qui vivent dans liées à l'électromagnétique. Puis, faut rester vigilant vers quoi la vibration nous pousse et développer notre discernement volontaire. Ouais. Mais il y a de quoi par rapport à ça? Parce que la vigilance, ça peut être il y a de quoi de vibratoire. En tout cas, merci, bonne soirée. Bon, ben merci à vous. Puis bonne journée. Je ne sais pas quand je vais refaire quelque chose. Donc, bonne journée à vous. Au revoir.